rendez-vous avec X. La Révolution avait 30 ans, et elle allait manger l'un de ses enfants les plus prestigieux, un général, un héros de la République, peut-être un futur Bonaparte. Est-ce pour cette raison qu'on l'a éliminé? Il s'appelait Arnaldo Ochoa Sanchez. Accusé en compagnie d'autres officiers supérieurs de trafic de drogue, le général cubain Ochoa a été jugé en quasi-direct devant les caméras de la télévision. Jugé par une cour martiale composée pour l'occasion de 47 officiers. Un spectacle qui a tenu en haleine toute la population de l'île. Seuls, quelques épisodes ont été escamotés, sans doute parce qu'ils étaient trop embarrassants pour le pouvoir. Certains témoins n'ont pas hésité à écrire que ce curieux procès a été le dernier procès de Moscou. On y a en effet vu et entendu, comme à Moscou avant-guerre ou plus tard à Prague et Budapest, les accusés reconnaître leur faute et demander eux-mêmes d'être sévèrement punis. Au nom, bien sûr, de la Révolution, de la pureté de la Révolution, qui ne saurait être ternie par des soupçons de trafic de drogue. Voilà donc pourquoi Ochoa et les autres ont plaidé coupable. Ochoa, qui ira même jusqu'à dire à ses juges « Je n'ai plus de raison de vivre, ma dernière pensée sera pour Fidel et la grande Révolution qu'il a donnée au peuple cubain ». C'était en 1989, l'année où le mur de Berlin s'est écroulé sous les coups de boutoir de la démocratie. Oui, le dernier procès de Moscou. Et des condamnations à mort, comme autrefois à l'Est. Quatre officiers supérieurs ont été presque immédiatement fusillés, parmi eux le général Ochoa. Naturellement, si M. X a choisi de me parler de cette affaire, c'est qu'elle n'est pas aussi claire qu'il y paraît. Ochoa a-t-il été victime d'une manipulation? Et si c'est vrai, qui étaient les manipulateurs? Tout de suite, les révélations de M. X. Patrick Penaud, rendez-vous avec X. D'abord, une précision. Cuba et le trafic de drogue, enfin, c'était une vieille histoire. Dès le début des années 80, le président Reagan avait accusé les plus hautes autorités de Cuba d'être impliquées dans l'introduction de drogue aux États-Unis. Oui, mais on pouvait alors penser qu'il s'agissait de propagande. Vous avez raison. Enfin, Reagan, champion de l'anticommunisme, avait de bonnes raisons pour accuser Fidel Castro. C'était presque de bonne guerre, si je puis dire. Oui, mais quand même, est-ce qu'il y avait quelque chose derrière? Oui, regardez une carte. L'île de Cuba se trouve exactement entre la Colombie, principal pays producteur de cocaïne, et les États-Unis, principal pays consommateur. Donc, à votre avis, Cuba pouvait être une étape sur le chemin du trafic? Tout à fait, mais il y avait autre chose. C'est la présence en Floride de centaines de milliers de Cubains exilés. Parmi tous ces gens, il y avait des délinquants dont Fidel Castro s'était débarrassé à bon compte, autant de trafiquants en puissance. Mais est-ce qu'il pouvait y avoir aussi, enfin, chez Castro, l'idée pernicieuse de pervertir la jeunesse américaine en lui procurant de la drogue? Écoutez, honnêtement, je n'en sais rien. Enfin, pourquoi pas? Tout ce qui pouvait affaiblir les États-Unis était bon à prendre, c'est certain. Je ne pense pas que c'était la motivation essentielle. En tout cas, pour vous, ces accusations de Reagan n'étaient donc pas tout à fait sans fondement. Oui. Et dès le début des années 80, la DEA, l'organisation américaine qui lutte justement contre le trafic de drogue, avait démantelé une filière où étaient impliqués quelques hauts responsables cubains. Ah, racontez, les hauts responsables. Oui. Fin 1981, un important trafiquant colombien est arrêté. Et il fait des révélations. Il affirme que, sur ordre des Cubains, il fournit des armes à la guérilla colombienne. Des armes qui sont payées en livraison de drogue. De la drogue expédiée ensuite, j'imagine, aux États-Unis. Bien entendu, avec la complicité des douanes et de la marine cubaine. Ouais. Et ce trafiquant donne des noms? Oui, et pas n'importe lesquels, puisqu'il prétend que c'est le propre frère de Fidel Castro, Raoul, le patron de l'armée qui supervise ce trafic. Ouais, ça veut donc dire que les autorités cubaines, enfin, au plus haut niveau, connaissaient l'affaire. Et la favorisaient. Enfin, cette implication ne reposait que sur les aveux de ce trafiquant et un certain nombre d'indices recueillis par les policiers américains. Et à l'époque, lorsque Reagan a accusé publiquement Cuba, on a mis ça sur le compte de son anticommunisme viscéral. Est-ce que Castro a réagi? Bien sûr. Il ne peut pas laisser passer. Alors il a répliqué à sa façon et d'accuser, il est devenu accusateur. Comment? Il a d'abord déclaré que son gouvernement menait une lutte acharnée contre les trafiquants, les trafiquants qu'il avait fait emprisonner par centaines. Il a surtout prétendu que les Cubains étaient en quelque sorte les policiers des Caraïbes. Policiers, c'est-à-dire qu'ils traquaient les pourvoyeurs de drogue ? Exactement, et comme Castro ne se laisse jamais démonter, il a faim de se demander pourquoi les États-Unis ne le rétribuaient pas. Pour service rendu. Oui. Ouais, ça en effet assez osé. Enfin, surtout si les Cubains étaient vraiment mouillés dans cette affaire de trafic. Hein. Ah, s'ils ne l'étaient pas, ils vont devenir. La suite va le prouver. Enfin, une remarque avant tout. Je ne veux pas défendre les gens qui ont été mêlés ou qui ont même organisé un trafic de drogue, mais il ne faut pas oublier l'embargo dont étaient victimes les Cubains. Ouais, l'embargo économique. Hein. Oui, et depuis 1961, à cause de cet embargo commercial imposé par les Américains, l'île vit sous perfusion. D'abord sous perfusion soviétique. C'est juste. Sans l'URSS qui achète son sucre et l'aide financièrement, Cuba est asphyxiée. Faut pas l'oublier. On voit bien aujourd'hui, depuis que le bloc soviétique s'est effondré, et alors que l'embargo américain perdure, que la situation économique de l'île est catastrophique. Ouais, ouais. Par conséquent, il était tentant de trouver par tous les moyens des solutions pour s'en sortir. Ouais, ouais, la drogue, quand même. Ouais, vous avez raison, je n'excuse nullement les dirigeants cubains. J'essaie de comprendre, simplement. D'accord. Hein. Et je crois que le grand tournant a été pris au milieu des années 80. Déjà, le grand frère soviétique se montrait moins généreux. Et puis, avec l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev et la perestroïka, Castro a compris que la manne russe ne cesserait de diminuer. Pourquoi la perestroïka ? Ben parce que Castro a pris tout de suite parti contre. Pour lui, cette libéralisation du régime soviétique était à terme la fin du communisme et l'éclatement de l'Empire. Sur ce point, au moins, il n'a pas eu tort. Donc, opposant de plus en plus déclaré à la politique de Gorbatchev, il pouvait légitimement penser que l'aide soviétique diminuerait en proportion. Par conséquent, il fallait trouver des solutions. Ouais, mais lesquelles ? En plein congrès du Parti communiste cubain, Fidel a annoncé la nouvelle priorité des révolutionnaires. Trouver des devises. Trouver des devises par tous les moyens. Rien. Oui, pour un révolutionnaire, enfin, par tous les moyens, y compris le trafic de drogue. Bah, vous pensez bien que Fidel Castro n'a pas dit ça à la tribune du Congrès. Mais ce qui est important, c'est qu'en ordonnant aux militants du parti de gagner des devises, il a aussi encouragé certaines dérives. Encouragé ou organisé, car dans un État enfin, aussi centralisé, tout procède du chef, non ? Oui, vous avez raison. C'est l'une des questions essentielles que pose l'affaire Ochoa. Mais si vous le voulez bien, nous allons y revenir longuement un petit peu plus tard. Ouais. Alors, pour gagner à tout prix des devises, qu'est-ce qui a été mis en place ? Au sein du ministère de l'Intérieur, qu'on appelle là-bas le MINIT, les autorités créent un groupe, le MC. Ce qui signifie ? Monnaie convertible. Ah oui, MC. Plus tard, des esprits facétieux, et ils sont nombreux à Cuba, parleront de la section marijuana et cocaïne. Donc MC, c'est ça. C'est amusant, hein ? Et qui compose cette section MC ? Des officiers, souvent parmi les meilleurs. Des types issus pour la plupart des services secrets. Ce qui explique peut-être pourquoi vous êtes si bien informé sur cette affaire. Bon, admettons. Mmh. Mais enfin, leur chef est un colonel, un certain Tony de la Guardia, un brillant officier de renseignement, qui a bourlingué dans tous les pays où les castristes voulaient exporter la révolution. En Amérique du Sud, en Amérique latine et aussi en Afrique. Mmh. Mais le véritable patron de la section MC, c'est le ministre de l'Intérieur en personne, José Abrantes. Et quelle est exactement l'activité de cette section MC ? Permettez une observation d'abord. Mm-hmm. Ces activités doivent demeurer secrètes. Ah, c'est pour cette raison qu'on a choisi des gens rompus à la clandestinité. Naturellement. Ouais. Alors vous me demandiez la nature de ces activités. Eh bien, pour simplifier, je vous dirais que la section MC pouvait se livrer à toute activité commerciale, légale ou pas, permettant de générer des devises. Mais vous avez des exemples ? Le département MC a fait en particulier la contrebande du tabac et des langoustes en direction des États-Unis. Mais il a aussi vendu des chemises ou de l'électroménager en Angola. C'est quand même étrange d'utiliser des agents de renseignement pour faire du commerce. Oui, ça peut surprendre. Et on peut penser que ces officiers n'étaient peut-être pas forcément les plus compétents. Mais enfin, passons. Ce qui comptait, je vous l'ai dit, c'est qu'ils étaient des as de l'action clandestine. Et les avions ou les bateaux qu'ils utilisaient entraient ou sortaient de l'île sans contrôle. Vous voulez dire que les douanes, l'armée fermaient les yeux. Oui, elles avaient des ordres. Et les devises ainsi acquises, enfin légalement ou pas, hein, pour reprendre votre expression, permettaient, j'imagine, de contourner l'embargo américain. Bien sûr. Avec ces dollars, les Cubains pouvaient acheter discrètement au Panama, par exemple, les biens qu'ils ne pouvaient pas se procurer à cause de l'embargo commercial. Il s'est donc noué pendant des années tout un réseau de trafic multiple et dans tous les sens. Et dans ces conditions, il était presque naturel qu'un jour, les hommes de la section MC pensent à la drogue et aux fantastiques bénéfices qu'elle pouvait engendrer. Une précision d'abord sur l'aide soviétique qui a commencé à diminuer avec l'arrivée de Gorbatchev à la tête de l'URSS. Cette aide représentait, à la fin des années 80, près de 30% du PNB de Cuba. Qui était ce Tony de la Guardia, nommé à la tête du département MC ? Un fils de famille qui a épousé très tôt la Révolution et qui a servi dans une unité d'élite, Tropas, l'équivalent des bérets verts américains. Dans un livre très documenté, intitulé « Fin de siècle à la Havane », paru au Seuil. deux journalistes, Jean-François Fogel et Bertrand Rosenthal, écrivent. Tropas appuie en cas de besoin la sécurité personnelle de Fidel Castro. Elles assument aussi les opérations ardues d'aide aux guérillas étrangères. En près de 20 ans, Tony intervient partout, Syrie, Sud-Yémen, Venezuela, Liban, Amérique centrale. Livraison d'armes, formation aux techniques de combat, conseils stratégiques ou tactiques, protection de dignitaires étrangers en visite à Cuba, actions maquillées sous l'apparence de l'accident ou du banditisme. Au total, Tony de la Guardia accomplit à l'étranger plus de 30 missions clandestines dont la découverte aurait entraîné un problème diplomatique majeur. Des missions, précise un officier de Tropas qui servit avec lui, qui n'étaient pas appuyées par un ordre écrit ou quelque chose de ce genre. Tropas multiplie les actions quand les autres unités vivent une vie de garnison. A noter que Tony a un frère jumeau, Patricio, un général qui lui aussi a été un soldat d'élite et un homme de confiance de Fidel Castro. Il sera également compromis dans l'affaire Ochoa. Vous avez dit que les hommes de la section MC ont été presque naturellement, c'est l'adverbe que vous avez utilisé, à s'intéresser à la drogue. Oui, oui, car en se livrant à toutes ces activités commerciales clandestines, ils ont été conduits à fréquenter des hommes qui s'occupaient aussi du trafic de drogue. Des hommes qui, depuis longtemps, pensaient que la situation géographique de Cuba, si près des côtes américaines, pouvait bien favoriser leur petit commerce. Oui, mais de quelle façon ? L'île, en quelque sorte, serait une sorte de base arrière sur laquelle on stockerait la drogue avant de la cheminer via des vedettes rapides jusqu'à la côte américaine. Des vedettes qui pourraient éventuellement être escortées un bout de temps par des bâtiments militaires cubains. Escortés et donc protégés. Oui. Ils avaient pensé à tout. Oui, oui. Ouais. Et les gens de la section MC vont marcher dans cette combine ? Oui. Excusez-moi cette remarque un peu naïve, mais ces officiers issus de la Révolution avaient donc perdu tout sens moral, une morale dont Castro, d'ailleurs, n'a cessé de se réclamer. C'est vrai, c'est vrai. Il la brandissait à tout propos et il fustigeait en permanence la corruption. Mais il y a ce qu'on dit et puis ce qu'on fait. Tous ces officiers s'étaient lancés dans le capitalisme sauvage avec une espèce de gourmandise. C'était même entre eux une sorte de compétition. À qui rapporterait le plus de devises ? Oui, songez que l'un d'entre eux avait même imaginé fabriquer du faux champagne destiné à la clientèle touristique et au marché américain. Et il l'a fait, d'ailleurs. Quant aux fausses cigarettes, n'en parlons pas. Et autant que vous puissiez le savoir, ça rapportait ? Oui. Cette économie parallèle générait des millions de dollars. Et en août, ça ne coûtait rien, car le département MC s'autofinançait. Et l'argent a été remis à qui, alors ? Directement au gouvernement. Et quelquefois, personnellement, à Fidel Castro. Bon, alors, et la drogue ? Écoutez, assez vite, les gens du MC, qui avaient donc mis en place un système relativement efficace de contrebande officieuse, ont reçu des offres des trafiquants. Des trafiquants qui ne manquaient pas d'arguments. Quand même plus fructueux de convoyer de la drogue que des machines, des pièces détachées ou même des cigares. Ah, et puis ça prend moins de place. Hein. C'est juste, oui. Alors petit à petit, le trafic se met en place. Comment ? Au départ, les officiers du département MC ne veulent pas trop se mouiller. Alors ils se contentent d'autoriser les avions des trafiquants qui viennent de Colombie à se poser en territoire cubain. Contre rémunération, bien sûr. Une sorte de location de la piste. À peu près, oui. Ouais. Mais cette drogue-là, que devient-elle ? Ben, elle est stockée, très peu de temps, puis elle est transportée jusqu'à l'un des ports contrôlés par les gens du MC. Et là, elle est chargée sur l'une de ces vedettes rapides dont je vous ai parlé. Mmh. On apporte donc aux trafiquants une sorte d'aide technique et matérielle. Oui, et à la limite, les Cubains ne sont pas censés savoir que c'est de la drogue qui est ainsi convoyée. Ouais, il faut quand même pas exagérer. C'est vrai. Mais il faut sauvegarder les apparences, n'est-ce pas ? Au moins dans un premier temps, car au fur et à mesure que les années passent, la coopération entre les Cubains et les trafiquants va devenir de plus en plus étroite. C'est-à-dire ? Eh bien, ces marchands de drogue vont bénéficier de renseignements très précieux. Les Cubains vont les informer sur la position des bateaux, des gardes-côtes ou de la douane américaine, par exemple. Ou encore, comme je vous l'ai dit, leurs embarcations vont être escortées par la marine cubaine. Et bientôt, le système va encore se perfectionner. Expliquez-moi ça. Pour des raisons de sécurité, on va réduire la fréquence des atterrissages sur l'île. On procède comment alors ? On remplace ça par quoi ? Les chargements sont bombardés dans les eaux territoriales cubaines. Bombardés, ça veut dire quoi ? La drogue est confinée dans des sacs étanches, des sacs qui sont lancés dans la mer à basse altitude et qui sont ensuite récupérés par ces vedettes, justement, qui assurent le trafic de contrebande entre la Floride et Cuba. On élimine ainsi toute manipulation terrestre. Mmh. Oui, mais les Cubains jouent quand même leur rôle. Oui, bien évidemment, puisque ça se passe dans les zones maritimes qu'ils contrôlent. C'est pas tout. La section MC régule depuis la Terre ce trafic aérien et donne son feu vert au bombardement. Ouais, donc sa complicité n'est pas moins grande. Tout à fait. Mais pourquoi ces précautions ? Puisque, si je vous ai bien compris, les officiers du département MC font la pluie et le beau temps sur l'île. Tony de la Guardia et ses hommes savent que les Américains sont aux aguets. Les douanes, mais surtout la DEA, surveillent le transport maritime et écoutent toutes les communications radio. Par conséquent, il faut redoubler de précautions. Et la Guardia a d'autant plus de raisons d'être prudent qu'un piège se prépare. Un piège ? Quoi ? En 1987, la DEA réussit à infiltrer un homme dans un des réseaux de trafiquants. Un des réseaux, il y avait donc plusieurs réseaux? Naturellement, même si c'est le fameux cartel de Medellín qui contrôlait toutes les exportations. Ouais, Medellín, c'est Escobar. Oui, le sinistre Escobar, le grand patron colombien de la drogue. Mais à partir de la Colombie, il existait plusieurs filières afin de diversifier les pistes et minimiser les risques. Si un réseau tombait, un autre prenait le relais aussitôt. Alors, reprenons ce que vous disiez, les Américains infiltrent un homme. Oui, un pilote. Et cet homme va si bien réussir sa mission qu'il va personnellement convoyer un chargement de drogue de Colombie à Cuba. Alors les Américains obtiennent la preuve de l'implication des Cubains dans le trafic de drogue. Tout à fait. Et à la suite de cette opération réussie, ils démantèlent un réseau établi au Panama. Au Panama, où règne alors le général Noriega, qui sera lui-même accusé de trafic de drogue. Et il transféré rappeler. Aux États-Unis, où il a été jugé et condamné. Mmh. Oui. Et comment les Américains exploitent-ils ce succès? D'une façon très curieuse. Que voulez-vous dire, là? On pourrait s'attendre à ce que le gouvernement américain triomphe et en profite pour se lancer une nouvelle fois dans une campagne anticastriste. Eh bien, pas du tout. Les autorités américaines se font étrangement discrètes. Et vous avez une explication? Parce qu'ils préparent une opération d'une plus grande envergure. Contre Cuba? Évidemment. Grâce au démantèlement de ce réseau, dès 1988, les Américains ont en effet accumulé des informations très intéressantes. En interrogeant les membres du réseau, ils ont découvert quels étaient les vrais chefs du trafic. Ce Tony de la Guardia. Et surtout le ministre cubain de l'Intérieur, Abrantes. Il faut aussi dire qu'ils ont bénéficié d'une circonstance extraordinaire. En 1987, un général cubain a fait défection. Ce n'était pas n'importe qui, puisque Rafael del Pino était le commandant second de la défense antiaérienne. Un officier qui était donc particulièrement bien placé pour connaître le détail des rotations d'avions des trafiquants. Exactement. Par conséquent, grâce à Del Pino, les Américains savent. Et le démantèlement du réseau des trafiquants panaméens ne fait que confirmer leur information. A noter, et c'est très important, que les services secrets ont demandé à Del Pino de rester extrêmement discret. Mais toujours parce qu'il préparait quelque chose. Bien sûr. Et le secret de l'affaire Ochoa se trouve là. Peno, rendez-vous avec X. En 1991, deux ans après l'exécution de son père, Ileana de la Guardia et son mari Georges Massetti, un Argentin qui a effectué de nombreuses missions clandestines au service de Cuba, se décident à parler. L'oncle de la jeune femme, Patricio de la Guardia, se trouve en effet toujours en prison et c'est pour lui que le couple fait des révélations accablantes pour le régime cubain. Voici par exemple ce qu'on peut lire dans le journal Le Monde sous la plume de Marcel Niedergang. Ileana évoque d'abord son père. « Mon père, dit-elle, se demandait si ce qu'on lui ordonnait de faire n'était pas absurde. Georges est beaucoup plus tranchant. On nous a appris que tout ce qui était mauvais pour l'impérialisme était bon pour Cuba. Dans les hautes sphères de la Havane, la protection du trafic de drogue n'était pas un secret. Tout le monde le savait à ce niveau-là, pas seulement les gens du gouvernement et du parti. Le savaient aussi les dirigeants des mouvements révolutionnaires latino-américains, à commencer par les Colombiens. On appelait actions illégales des activités impliquant de très nombreux officiers et fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Selon lui, ces activités allaient de la protection accordée au trafic de drogue jusqu'aux enlèvements et aux extorsions de fonds en coopération avec des guérillas. Il précise, c'était la règle du 50-50 pour le partage, 50% pour les guérillas, 50% pour Cuba. Que veulent les Américains dans cette affaire ? Compromettre Fidel Castro, naturellement. Car ils pensent non sans raison que si Abrantes, son ministre de l'Intérieur, est mêlé au trafic de drogue, Fidel ne peut rien en ignorer. Oui, ça me semble logique. Et vous m'avez dit qu'ils avaient réuni des preuves. Oui, mais les Américains veulent mettre en œuvre une opération encore plus spectaculaire. Et dans un premier temps, ils imaginent ni plus ni moins que de s'emparer de la personne du ministre de Castro. Abrantes, là, mais quelle façon? C'est un agent des douanes américaines, un certain David Urso qui a mis au point cette entreprise. Le plan, qui a été baptisé Opération Lévrier, consistait à attirer Abrantes dans les eaux internationales. Mais sous quel prétexte? Attendez, écoutez bien. Urso avait très habilement réussi, lui aussi, à infiltrer un homme dans le réseau des contrebandiers qui permettait à Cuba de contourner l'embargo commercial américain. Des contrebandiers qui, par exemple, livraient des ordinateurs et se faisaient payer en cacaïne. Et cet homme qui... C'était un nommé Fernandez, qui se faisait surnommer Papito. Papito. Un exilé cubain qui purgeait une lourde peine de prison à Miami pour trafic de drogue. Urso est parvenu à le faire libérer. Et Papito a réussi très rapidement à rejoindre le réseau de contrebande où il comptait d'ailleurs déjà de nombreux amis. Mais quelle était sa mission? Laquelle devait-il faire? Et il devait appâter le ministre cubain en lui faisant savoir qu'il pouvait lui procurer des informations technologiques de très grande valeur. Et un rendez-vous a été pris en haute mer. Et le ministre se serait déplacé en personne? Oui, parce que David Urso avait très bien préparé son coup. Il avait pris des contacts avec des gens du Pentagone et il avait mis au point toute une liste d'informations très pointues sur les moyens utilisés par les États-Unis pour espionner Cuba. Ça ne pouvait qu'intéresser Abrantès. Et d'ailleurs, Papito l'avait informé qu'étant donné l'importance de ces renseignements, il ne pouvait pas y avoir d'intermédiaire. Le ministre devait donc venir lui-même. Et ce premier contact serait suivi d'une livraison de matériel sensible. Ah, très intéressant. Ah, tout à fait, oui. Mais ce qu'Abrantès ne peut pas savoir, c'est qu'un sous-marin américain sera en veille, près de l'endroit prévu pour le rendez-vous. Et dès que l'embarcation du ministre arrivera, le submersible fera surface et des commandos des forces spéciales donneront l'assaut et enlèveront Abrantès. Un plan très astucieux, mais l'opération Lévrier ne sera pourtant jamais réalisée. Et pourquoi ? Officiellement, on a attribué cet échec à une rivalité entre services. La CIA, furieuse de ne pas avoir été associée à l'entreprise, l'aurait fait capoter. Mmh. Et officieusement, alors ? Oh, je suis persuadé que si l'opération Lévrier a été abandonnée, c'est parce que déjà, les Américains pensaient à autre chose. Une manœuvre encore plus subtile. Et là, il nous faut enfin parler du général Ochoa. Mmh. D'accord, mais peut-être quelques mots sur ce personnage Bien volontiers. Arnaldo Ochoa, c'est quelqu'un. Le général le plus populaire de l'armée cubaine, une vraie légende vivante. Mmh. Il a fait partie des premiers compagnons de Castro ? Oui, il a été l'un des combattants de la Sierra Maestra, qui sont descendus de leur montagne pour chasser le dictateur Batista. Donc il a une sorte de légitimité historique, mais c'est surtout en Afrique qu'il va construire sa renommée. Et en Angola, En Angola, bien sûr, mais d'abord au Zaïre, aux côtés du Tché. Puis en Guinée, oui, au Sierra Leone. C'est-à-dire partout, les castristes essayaient de susciter des mouvements révolutionnaires. Oui, et en 1977, il se trouve à la tête des troupes cubaines qui combattent en Éthiopie contre les Somaliens. Il a alors quel grade ? Général de division. Oh. Et en Éthiopie, il fait preuve d'incontestables qualités de commandement puisqu'il est l'artisan de la victoire de l'Ogaden. Je ne suis pas un spécialiste de l'art militaire, mais j'ai lu quelque part que sa campagne de l'Ogaden est encore aujourd'hui étudiée dans toutes les écoles de guerre. Et ensuite, il revient à Cuba, non ? Mais il y reste peu de temps. Il est envoyé au Nicaragua afin d'aider les sandinistes. Puis il part en Angola où la situation des troupes cubaines est critique. L'armée sud-africaine est en effet entrée dans le conflit aux côtés des troupes rebelles de l'UNITA de Savimbi. En Angola, Ochoa fait à nouveau la preuve de ses capacités puisqu'il remporte une importante victoire sur l'armée sud-africaine. Une victoire qui met fin en conflit. Mm-hmm. Pour Cuba, c'est donc un héros. Incontestablement, hein. Mais c'est un héros non conformiste. Ah. Ochoa, qui au cours de toutes ces années a passé très peu de temps dans sa patrie, supporte assez mal la bureaucratie locale et les pesanteurs du régime. Et il le fait savoir, plus ou moins discrètement. Dangereux, ça. Oui, très dangereux, oui. D'autant que d'étranges rumeurs courent la Havane. En Angola, par exemple, Ochoa a dû souvent improviser, pallier le dénuement des troupes cubaines. Alors, pour nourrir ses troupes, pour construire des terrains d'aviation, ou même tout simplement pour acquérir du matériel, il s'est livré à quelques trafics. Trafics de quel genre ? Bon, on dit qu'il s'est mêlé de trafic d'ivoire et de diamants. Et c'est vrai, votre... Sans doute, oui. Ouais. Mais si je puis dire, c'était pour la bonne cause, même si ça n'était pas absolument réglementaire. J'ajoute autre chose. En 1988, lorsque le général revient à Cuba, il laisse entrevoir, semble-t-il, qu'il approuve ce qui se passe en URSS. Oui, la perestroïka. Oui, ouais. Et ça, Castro peut difficilement le supporter, surtout venant d'un général aussi prestigieux. Mais enfin, la dernière rumeur est encore plus insidieuse. Dans les allées du pouvoir, on murmure qu'Ochoa serait un nouveau Bonaparte. Un général putschiste. C'est à peu près ça. Ouais. Mais vous parlez de rumeurs, il y a quelqu'un derrière, alors ? Dans tout cerveau de dictateur, il y a un paranoïaque qui sommeille. C'est juste, ouais. Et qui ne demande qu'à se réveiller si on l'alimente en rumeur, par exemple. Ouais, d'accord, mais qui se trouve derrière ces rumeurs, Jean ? Je n'ai pas vraiment de preuves. Mais je suis à peu près sûr que certaines de ces rumeurs ont été propagées et alimentées par Washington. Washington qui voulait déstabiliser Castro. Ça me semble quand même un peu gros, non ? Détrompez-vous, car l'affaire a été très bien menée. Reprenons, si vous voulez bien, le fil des événements. Allez-y, ouais. Les Américains ont d'abord établi formellement que Cuba était mêlé au trafic de drogue. Ils disposent donc d'une véritable bombe à retardement qu'ils peuvent faire éclater à tout moment. Ouais, jusque-là, je vous suis. Bon. Deuxièmement, ils font habilement courir les rumeurs sur Ochoa. Castro, légitimement, s'inquiète. Troisièmement, la cerise sur le gâteau, ils se débrouillent pour faire circuler une information capitale. Un officier très proche d'Ochoa, son aide de camp, je crois, a eu un contact avec le parrain colombien de la drogue, Pablo Escobar. Ouais. Et ça, c'est vrai ? C'est très vraisemblable, oui, mais ça n'engageait pas forcément le général lui-même. Ça faisait quand même un peu désordre, hein, donc. Bon, je l'admets, mais je continue. Quatrièmement, les États-Unis font savoir à Cuba qu'ils détiennent des informations très compromettantes sur l'implication de quelques officiers supérieurs et du ministre de l'Intérieur dans le trafic de drogue. Et voilà, la machine est lancée, rien ne pourra plus l'arrêter. Mais que voulez-vous dire, là ? Soyez plus précis. Il y a le feu, là, en la maison. Castro, sous peine d'être gravement et personnellement accusé par la communauté internationale, doit prendre les devants. Ouais. Et il fait arrêter une partie des gens qui sont mêlés au trafic. Une partie, donc pas tous ? Non, c'est impossible, ils seraient trop nombreux. Mais les plus exposés se sont mis sous les verrous. Tony de la Guardia et les autres. Oui. Ouais. Et le ministre de l'Intérieur, la Brandes ? Eh bien, son tour viendra quelques semaines plus tard. J'ajoute qu'avant de procéder à cette véritable purge, les services cubains ont tenté une opération de contre-feu. Vous vous souvenez de ce Papito dont je vous ai parlé? Oui, Papito, l'homme qui devait faire enlever justement à Brandes. Oui, et bien la veille de l'arrestation de tous ses officiers, il disparaît mystérieusement. On ne le reverra jamais. Et qu'est-il devenu? Il a sans doute été enlevé par des Cubains. Et en l'interrogeant, ceux-ci ont dû découvrir l'étendue de la catastrophe. Et ce Papito lui-même? Bon, sa pauvre existence n'avait pas une grande importance, n'est-ce pas? Oui, on peut voir les choses comme ça. Ochoa, donc, lui aussi était arrêté? Bien sûr. Hmm. Pour le régime cubain, c'était une excellente occasion de se débarrasser d'un personnage qui devenait trop encombrant. La suite, vous la connaissez, le tribunal, un tribunal militaire composé pour l'occasion, frappe très fort. Sur ordre de Castro, bien sûr. Des condamnations à mort sont prononcées et bientôt exécutées. Ochoa fait partie des officiers fusillés. Mais Ochoa, si je me souviens bien, a avoué quand même. Oui, enfin, il a avoué quelques-unes de ses fautes, avec un panache certain. Mais il n'a jamais avoué qu'il avait été un trafiquant de drogue. Au reste, ce procès, comme tous les procès staliniens, n'a été qu'un simulacre de justice. Mmh. Et donc, pour vous, ce sont les États-Unis qui ont manipulé cette affaire? À l'évidence, oui. Et d'un point de vue cynique, ça a été une réussite totale. Non seulement Castro a décimé les chefs de son armée, mais il a mis fin une fois pour toutes au trafic de drogue passant par Cuba. Les États-Unis sont-ils vraiment impliqués dans cette affaire? Deux éléments de réponse. D'abord, il est à peu près certain que les Américains ont bien fait savoir au pouvoir castriste qu'ils détenaient des informations accablantes sur le trafic de drogue et la compromission de quelques officiers et du ministre de l'Intérieur à Brandes. Deuxièmement, plusieurs observateurs ont noté l'étonnante discrétion des autorités américaines dès le déclenchement de l'affaire. Une discrétion qui pourrait s'expliquer aisément si on accepte la thèse de M. X. Les Américains ayant obtenu ce qu'ils souhaitaient, il ne leur était plus nécessaire d'en rajouter. C'était maintenant à Castro et à lui seul de faire le ménage. Enfin, il faut noter que plus tard, plusieurs agents de renseignement ou militaires cubains qui ont fait défection ont accusé nommément Castro d'avoir toujours su que le département MC se livrait au trafic de drogue. L'un d'eux, l'écrivain et ancien des services, Norberto Fuentes, et qui a été aussi l'un des proches du leader Maximo, a même déclaré: pour comprendre la position de Castro sur le trafic de drogue, il faut savoir qu'il n'a cessé de répéter que les États-Unis étaient la poubelle de l'histoire et que dans une poubelle, on peut jeter n'importe quoi. À samedi prochain, et je vous rappelle que désormais, vous pouvez obtenir des informations bibliographiques, m'adresser du courrier ou réécouter cette émission sur internet www.franceinter.com.